Ouais, Schmooky, mon pote, tranquille ou quoi? Ouais, je tranquille, bien, relax ou quoi? Si, ça va, hein, franchement, tranquille. Ça a bossé le 16 mesures, ouais, ou quoi? Ouais, ça a bossé dur, là, le thème, là. Si, gros. Vas-y, viens, on leur apporte un petit truc funky fraîche, là. On va faire ça bien, gros. Dis-moi quand t'es chaud, frère. Vas-y, moi, je suis chaud, là, c'est parti. Aïe. La rage des jaloux n'a fait qu'endurcir mon mental. Un mental de dalleux qui lâche que dalle. Fallait pas me mettre à l'écart ou les bars. On est tous écarts dès le départ. Condamné à être smicard, contrôlé par ces flicards. Dans life c'est pas les cigares, le champagne ou les dreamcars. Et moi quand j'étais petit poteau, j'avais même pas la dreamcast. Ce qui me casse les couilles c'est que même en étant efficace, c'est plus le talent qui paye, faut faire des clips avec des petites tasses. Pense que je kiffe un bon beat, une bonne passe. Laisse-moi tirer une taffe mon pote. Et je te fais la passe, c'est pour mes gars qu'on la poisse. Qui se battent pour pas finir à poil. ORSA en A3, Inch'Allah le 6.3. C'est la vie qu'on mène mon pote. Entre les peines et les putes, chacun ses thèmes et ses buts. Faut juste éviter la chute. C'est la vie qu'on mène mon pote. Entre les haines et les flics, les drames et les trafics. J'arrête, tu connais la suite. C'est ça la vie qu'on mène, on l'aime. Même si parfois y'a trop de problèmes. Les joies, les drames, les peines. On connaît tous l'amour et la haine. C'est ça la vie qu'on mène, on l'aime même si parfois y'a trop de problèmes. Les joies, les drames, les peines, on connaît tous l'amour et la haine. Le temps et les heures comptent, les gouttes de sueur tombent dans le rap, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Et ça me sert de jeu, trop d'avance, se poser sur l'air de repos. Les devancer, ce que je vais faire de mieux gros. Je laisse les MC entre eux et les gens parlent. Nous on chante, on s'ambiance, faut pas laisser passer les vantards. Man, ça fait du billet, c'est ça la vie qu'on mène. Bande de sales dégaines, allez tous vous rhabiller. Laissez passer l'alien, le singe et saliane. Quand les frérots prennent de sales peines, y'a les enfoirés qui parlent mal, ok. Je n'incite personne dans le rap, trop marrant. On me dit attention pour les petits frères. Frère, je suis pas leur parent, bah non. Au lieu de la jouer perso, passe le ballon. Garçon, sois galant, regarde le talent grâce au ballon. On sirote la taille, viens, t'en trouveras pas d'autres. Des salauds pareils, c'est la vie qu'on mène, j'rappe encore mal au tête. C'est ça la vie qu'on mène, on l'aime même si parfois y'a trop de problèmes. Les joies, les drames, les peines, on connaît tous l'amour et la haine. C'est ça la vie qu'on mène, on l'aime même si parfois y'a trop de problèmes. Les joies, les drames, les peines, on connaît tous l'amour et la haine. C'est ça la vie qu'on mène, on l'aime même si parfois y'a trop de problèmes. Les joies, les drames, les peines, on connaît tous l'amour et la haine. Parfois y'a trop de problèmes. Les joies, les drames, les peines. On connaît tous l'amour et la haine. C'est ça la vie qu'on mène. On l'aime même si parfois y'a trop de problèmes. Les joies, les drames, les peines.